Bonjour! Alors aujourd'hui, on attaque le dernier épisode consacré au collecteur de folk song, Charles Loomis. Les informateurs de Loomis pour les collectes de chants en langue espagnole sont majoritairement des proches. Certains sont des amis, des connaissances ou alors même des employés de maison, donc de Loomis. Il enregistre des musiciens et des chanteurs amateurs, mais aussi des semi-professionnels. Leurs origines sociales sont variées. Certains sont des descendants de familles aristocratiques espagnoles, qu'on appelle les Californios, alors que d'autres sont des immigrants récents, venus du Mexique. Loomis utilise une rhétorique survivaliste et construit une représentation archaïsante des chants hispaniques de Californie. Dans un article qu'il publie dans le magazine Out West, qui s'intitule « Catching our archaeology alive », donc « Attraper notre archéologie vivante », il compare son entreprise de sauvegarde des, je le cite, « des mémoires précaires des restes anciens d'un peuple en voie de disparition » à un projet archéologique et construit un parallèle entre les musiques de la vieille Californie et les littératures des civilisations gréco-romaines et de l'Angleterre médiévale. Alors que les écrits de César et de Shakespeare ont survécu à travers les âges, la Great First American Literature des Californios risquerait, elle, de disparaître, faute d'avoir été conservée. Il reproche d'ailleurs au gouvernement américain son manque de conscience préservationniste. Il écrit « La parole n'est pas écrite et notre gouvernement civilisé permet que les monuments et les ruines soient infamement pillés au civant. » Il rapproche également sa collecte de chants des Californios des recherches archéologiques qui sont alors menées en Palestine. Alors qu'en Palestine, la science tâtonne dans la poussière qui était Abraham, nous, dans le sud-ouest, parlons avec les patriarches eux-mêmes. Dans son travail de légitimation des musiques hispanophones comme meilleure fondation possible des musiques folk des États-Unis, pourtant anglophones, il rejette implicitement le courant anglo-saxoniste dominant en attribuant à la langue espagnole des origines celtes qui seraient supposées plus anciennes et plus profondes que celles de l'écossais, de l'irlandais et du gallois. C'est une idée qui paraît aujourd'hui assez étrange. Bien que fils de pasteur méthodiste, Loomis n'est pas un protestant particulièrement pieux et il œuvre à la reconstruction et à la reconsécration des missions catholiques espagnoles, en particulier principalement pour leur valeur d'archéologie vivante. C'est pas parce que lui-même est un catholique pratiquant. Pourtant, en Californie, les sentiments anticatholiques sont alors exacerbés par l'immigration mexicaine. Sa référence aux explorations archéologiques, ce qui est des références inhabituelles pour un collecteur de folk music, s'explique en partie par ses liens avec plusieurs membres de cette discipline qu'il a lui-même étudié à Harvard. Mais son héroïsation en termes bibliques de ce patrimoine est d'autant plus inhabituelle que la place du religieux dans la notion de folk music pose généralement problème. La manière dont il légitime sa vision personnelle de la folk music américaine est en partie similaire à celle des folkloristes anglo-centrés, puisqu'il rapproche ses objets de collecte d'héritages littéraires européens qui seraient donc anciens et légitimes, mais elle s'en éloigne également par ses références à la culture biblique et à des travaux archéologiques se déroulant bien au-delà de l'Europe, et notamment de l'Europe britannique. Loomis joue d'une vision nostalgique de la vieille Californie et d'une représentation passéiste des musiques hispaniques. Les chants de la vieille noblesse californienne sont situés pour lui dans un passé idéalisé et n'ont rien à envier aux compositions savantes. Il écrit par exemple que « la sérénade de Schubert n'est pas plus exquise que certaines sérénades de ces vieux temps simples ». Toutefois, ce sont les gens des gens du commun que Loomis favorise le plus. Il écrit « Le plus intéressant de tous sont peut-être les chants les plus proches de la terre, les fantaisies mélodieuses des cow-boys, des bergers, des péons, des rancheros et de tous les autres membres humbles de cette vie solitaire. » Quelles que soient leurs origines sociales, les chanteurs de la vieille Californie seraient des troubadours naturels, héritiers de la musique savante du vieux continent, mais vivant dans un monde simple et barbare, sans musiciens professionnels, ce qui aurait favorisé l'apparition de leur folk music. Il écrit à nouveau « La majorité de notre musique aujourd'hui est faite pour être vendue, les vieux chants étaient faits pour être chantés. » Loomis néglige cependant de mentionner les activités musicales professionnelles qui se développent énormément à Los Angeles à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, ainsi que les écoles de musique fondées dès le XVIe siècle par les missionnaires franciscains. En effet, Los Angeles accueille, dès le rattachement de la Californie à l'Union en 1850, de nombreux orchestres militaires, ainsi que des spectacles de minstrelsy. Dans les années 1870-1880, des compositeurs et des professeurs de musique venus d'Europe vont également s'y installer, et plusieurs salles de concert vont être construites. Des musiciens et compositeurs de renommée internationale se produisent à Los Angeles, à l'instar de la cantatrice vénézuélienne Teresa Carreño en 1875, ou encore de la pianiste Maria Pruneda en 1882, ou encore du guitariste mexicain Miguel S. Arevalo. La vie musicale de Los Angeles est donc beaucoup plus professionnalisée que ce que Loomis laisse entendre dans ses descriptions des musiques californiennes. Il semblerait ainsi que son propos renvoie plutôt à la situation musicale de la période antérieure à la domination états-unienne de la région. Or, la grande majorité des chants qu'il collecte sont en fait récents et appartiennent au répertoire des canciones mexicaines, qui datent à peu près de la deuxième moitié du 19e siècle. En plus des canciones, la collection de Loomis contient quelques airs patriotiques mexicains datant des années 1860, ce qui correspond à la période maximilienne. On trouve également des chants extraits de Zarzuelas, c'est un chant théâtral lyrique espagnol qui est né au XVIIe siècle, et quelques romances. Hormis quelques corridos, qui sont des ballades narratives souvent basées sur des événements historiques ou traitant de problèmes politiques et sociaux de la vie quotidienne, la collection de Loomis ne déroge pas à la tendance qu'on retrouve aussi chez les folkloristes et anthropologues d'exclure tant les chants contestataires que, malgré son intérêt pour le patrimoine catholique californien, les chants religieux. Le tournant du XXe siècle est pourtant un moment propice pour la composition de chants contestataires. Le Mexique est alors gouverné par le régime autoritaire et oligarchique de Porfirio Diaz. La révolution mexicaine de 1910 en est à ses prémices, et les conditions de vie des immigrants mexicains dans le sud-ouest des États-Unis sont souvent effroyables. La folk music, selon Loomis, est ainsi une folk music archaïque et spontanée, opposée aux musiques savantes et commerciales, même si cela ne correspond en fait pas au contenu de sa collection. Loomis écrit: s'il doit jamais y avoir une vraie musique américaine, ce sont le rock sur lequel elle doit être fondée. Il écrit cela à propos des musiques amérindiennes. Elle devrait d'abord, selon Loomis, être harmonisée de façon adéquate par des compositeurs compétents, pour ensuite servir de base à des hymnes nationaux. Il dit des hymnes nationaux qui devraient être aussi entraînants que la Marseillaise. Loomis propose ainsi un projet similaire à celui des compositeurs indianistes, donc en ce qui concerne les musiques amérindiennes qu'il a collectées en Californie et au Nouveau-Mexique. Il va d'ailleurs collaborer avec le chef de file de ce mouvement indianiste, Arthur Farwell, dont on avait parlé dans le premier chapitre, avec qui il va co-publier un recueil intitulé Spanish Songs of Old California en 1923. Donc si son projet donc, de créer une musique américaine à partir de musique amérindienne, mais en les harmonisant de façon adéquate et donc en employant les compétences de compositeurs euro-américains, ça c'est assez peu original, mais il est en revanche le premier à proposer que des chants hispaniques soient considérés comme de la folk music américaine. Et en cela, il se démarque de l'anglocentrisme qui domine le folklore à cette époque aux États-Unis. Sa définition du folk reste cependant très proche de celle des inventeurs de la folk music américaine, notamment ceux qui s'intéressent aux musiques des Appalaches. Il faut un héritage littéraire européen, régénéré par les conditions de vie de la frontière, pour faire du folk américain. Ces pratiques de collecte, elles occupent quant à elles une place liminaire entre celles des folkloristes, avec lesquels ils partagent une définition archaïsante et donc eurocentrée de la notion de folk, et celles des anthropologues, pour son usage notamment de la machine enregistreuse, ses enquêtes de terrain, sa collaboration avec des compositeurs et surtout son intérêt pour les musiques amérindiennes. La folk music américaine, selon Loomis, n'aura cependant pas le même succès que celle que proposera John Lomax quelques années plus tard. Les prochains épisodes vont être consacrés aux Cowboy Songs de John Lomax et à donc cette autre proposition de ce qui pourrait être la vraie authentique folk musique américaine. Je passe à un dernier morceau issu des collections de Loomis. Cette chanson s'appelle La Philida et elle est chantée par Adelaida Camp. Et à la fin de l'enregistrement, on va entendre la voix de Loomis qui présente le morceau et donne la date d'enregistrement en espagnol. Adiós, mi dulce vida, si mis adiós de lado, mi fin ha decretado, y es fuerza ya el partir, mi fin ha decretado, y es fuerza ya el partir, sin esos lindos ojos, sin esa amable boca, que al mismo amor provoca, que dicha podría liar, que al mismo amor provoca, que dicha podría liar, adiós o despedida, oh cruel amado instante. Adiós mi pecho amante, podrás sin ti vivir. Adiós mi pecho amante, podrás sin ti vivir. Solo angustias y celos, hay sin usted consuelo para mi amor templar. Hay sin usted consuelo para mi amor templar. La Filida, cantada por la señorita Camp, día 12 de junio de 1904.